C'est un body, c'est un body, c'est un show de ouf. C'est ça toi. Ah, je sais. Malheureusement. Attends, comme quoi, ils vont la diction là, il va pas tuer. Là, t'as pris de faux auto-tune. Ouais, j'ai. On est là, mon public, ils sont en train de me pousser jusqu'au disque d'or là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va leur offrir un bon show en direct du métronome de Toulouse. Le feu. Voilà, j'étais à l'âge, maintenant je fais les vides.